Madame rêve d'atomiseur et de silence long qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Madame rêve ad libitum, comme si c'était tout comme dans les prières, qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougères, de foudres et de guerres, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Madame rêve